Attendre se dit esperar. Hein? Esperar. C'est la même chose que espérer. Hein? Ça a d'ailleurs les deux sens en espagnol. Espérer et attendre. Esperar. Donc, j'attendrai, c'est... Espérer. Comment dit-on attendre? Esperar. Esperar. Alors? Esperaré. Esperaré. Bien. Alors, vous prenez l'infinitif en entier. Esperar. Donc, j'attendrai se dit esperaré. Et nous attendrons. Esperaré. Esperaremos. C'est ça, bien sûr. Hein? Esperaremos. Comment dit-on rester? Hein? Littéralement, se rester. Quedarse. Quedarse. Hein? Quedarse. Et donc, je reste. Littéralement, je me reste. Ça sera. Me quedarse. Quedarse, c'est rester. Mais je vous ai demandé, je reste. Ah oui, me quedare. Ah, ça c'était ma prochaine question. Me quedare. Hein? Me quedare, c'est je resterai. Mm. Mais comment dites-vous je reste? Quel temps c'est je reste? Le présent. Le présent, bien sûr. Oui, donc me queda. Qu'est-ce qui se passait avec le présent? Quelle était la syllabe qu'on accentuait au présent? Bon, parler, c'est hablar. Et je parle. Hablo. Hablo, oui, on insiste sur l'avant-dernière syllabe. Alors, si rester, c'est quedarse, hein, se rester, rester, comment dit-on je reste? Me quedo. Bien, dis-le encore une fois. Me quedo. Me quedo, oui. Hein? Le présent, quedo. Me quedo. Alors, maintenant, vous pouvez dire, demain, je reste ici. Mañana, me quedo. Je reste. Me quedo. D'accord, hein? Me quedo. Je reste. Hein? C'est le présent, me quedo. Oui, me quedo. Bien. Mañana, me quedo aquí. Alors, maintenant, vous pouvez aussi dire « je resterai ». Me quedaré. D'accord. Me quedaré. Et je vais rester. Voy a quedar, quedarme. C'est ça. Voy a quedarme. Donc, vous avez en espagnol, comme en français, trois manières d'exprimer le futur. Le présent, me quedo, le futur, me quedaré, ou la forme avec le verbe aller, je vais rester, voy a quedarme. Le moyen le plus simple, c'est d'employer aller. Donc, pour dire je vais, vous dites directement voy a, et vous le faites suivre du verbe quedarse, dont ça donne voy a quedarme.